bad girl pon des bits. Monsieur Lupin, elle aime quand ça t'agite. On est dans les temps, dans les temps, dans les temps. Me a des queen boy, me a ride it. Fais skyen qui monte et descend. Back it up, faut qu'on fait bander ça. Caléco, pas besoin faire au dessin. Nous bret trop et NSI a sa défunt. Si ou chaud, on nous a les flexeurs. Si je viens, c'est pour m'en pécraser fesse. C'est pas chaud, c'est brûlant, y'a du sexe. Moulin bien costaud, bonda ici en festin. Left, right, boy, let me whine. Touch me there, put the boom, boom is mine. Come to me, boy, let me ride on. Take position, if you like, just stick. Boy, let me whine. Touch me there, put the boom, boom is mine. Come to me, boy, let me ride on. Take position, if you like, just stick. Oh so sweet, my girl, you know me like it. Oh ça pertinemment que ça peut vite. Penché qu'au girl, c'est moi qui ca ride it. Fais ce cabrené, donc l'animatique. En ça, ouais, c'est où qui bosse, pas ni doute. Go down, c'est si fou. 6:30, baby. Vini, wine, knock about tout, tout, tout, tout, tout. Left, right, boy, let me whine. Touch me there, but the boom, boom is mine. Come to me, boy, let me ride on. Take position, if you like, just stick. Boy, let me whine. Touch me there, but the boom, boom is mine. Come to me, boy, let me ride on. Take position, if you like. Madre mia, que carina, c'est ma pompe à benzina. Minuit déjà matrixé. Ragazzita que carina, elle aime calatina. Tu veux me gérer mais je suis déjà armée. Yeah. Tu me dis bébé cambre toi je te donne ton calmant. Gauche droite patte y'a le médicament. Midi mini je te mets bien c'est moi ton passe temps. Côté piqué je te frappe en un instant. Bonne mes body my boy c'est le mood. Belle et c'est maintenant y'a pas de doute. Deliveroo tu veux l'italian food. Paye le loyer et moi je te donne tout.